On les a appelés les cinq magnifiques, par référence au film The Seven Magnificent, les sept mercenaires en français. Pourquoi les cinq magnifiques? Parce que ces cinq hommes étaient flamboyants, intelligents, cultivés, parce qu'ils appartenaient à l'élite de la société britannique et qu'ils étaient passés par ses meilleures écoles, parce que jamais encore une telle brochette d'espions n'avaient pu infiltrer les plus hautes instances d'un pays, enfin, parce que ces espions ont trahi par idéal et qu'ils n'ont jamais accepté d'être rémunérés par ceux pour lesquels ils travaillaient, c'est-à-dire les soviétiques. J'ajoute que ces taupes sont apparues sous divers masques dans nombre de romans contemporains, et surtout, bien sûr, dans les œuvres de Graham Greene et John le Carré, des romanciers qui ont été, tous les deux, des agents de renseignement avant de faire la carrière littéraire qu'on connaît. Les cinq magnifiques, donc, ou les cinq de Cambridge, car ils ont tous fréquenté la prestigieuse université anglaise. Ils s'appellent Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt et John Cairncross, le mystérieux cinquième homme, celui dont le nom n'a été dévoilé que dans les années 90 et dont l'identité a donné lieu aux plus folles hypothèses. Un formidable réseau de cinq hommes qui ont donc été progressivement identifiés au fil des ans, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'un procès. Trois d'entre eux ont trouvé refuge en URSS avant d'être arrêtés. Quant aux deux autres, curieusement, alors même qu'ils avaient été repérés par le contre-espionnage anglais et qu'ils avaient fini par avouer, ils sont passés à travers les mailles du filet judiciaire. C'est l'un des mystères de cette affaire d'espionnage la plus importante que la Grande-Bretagne ait jamais connue. Monsieur X se propose de l'éclaircir. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je vous dis tout de suite, je n'ai jamais rencontré les espions de Cambridge. Vous auriez pu ? Oh, pourquoi pas ? Nos routes auraient effectivement pu se croiser. Mais même si nos amis britanniques et par accro les gens de la CIA étaient concernés au premier chef, les services français ont été régulièrement informés, car c'est tout le camp occidental qui était menacé par l'action souterraine de cette taupe. C'est pourquoi vous connaissez parfaitement ce dossier ? Assez bien, oui. Et aujourd'hui encore, des années après la mort de ces cinq espions, de nombreux points n'ont pas été éclaircis, officiellement en tout cas. Mais vous, bien sûr, vous croyez savoir la vérité. Oui, d'autant que j'ai personnellement connu l'homme qui a été juste après-guerre l'officier traitant des cinq de Cambridge. Un agent du KGB, donc. C'est ça, un certain Yuri Modine. Un homme apparemment débonnaire, rond, barbichu, qui a été un des as de la centrale soviétique. Attends, Modine, dites-vous ? Oui. Ah, mais je l'ai aussi rencontré. D'abord, je crois que c'était à Paris où il était venu participer à une émission de télévision, puis je l'ai vu une nouvelle fois à Moscou. Alors, vous en savez autant que moi. Non. Je me souviens qu'à l'époque, enfin, c'était à la fin des années 80, vous savez bien, la grande question, c'était l'identité du cinquième homme, du cinquième espion. La chasse au cinquième homme, ouais. Et on avait déjà prononcé beaucoup de noms, tous plus prestigieux les uns que les autres. Exact. Et vous avez questionné Modine ? Oui, naturellement. Il n'a pas parlé. Non, il s'est contenté de sourire dans sa barbiche. Ça ne m'étonne pas. Modine, même à la retraite, restait fidèle au KGB. Le KGB qui ne pouvait que se réjouir de voir que des personnages britanniques importants étaient soupçonnés d'être le cinquième homme. Il ne serait pas étonnant que la centrale soviétique ait favorisé ou même initié ces opérations de désinformation. Ouais. Alors, par où commence-t-on le recrutement de ces espions? Volontiers. Peut-être, ouais. Encore que même les circonstances exactes de leur recrutement comportent de nombreuses zones d'ombre. Comme dans la plupart des affaires d'espionnage. Effectivement. Au départ, il y a des hommes assez exceptionnels, ceux qu'on a appelés les grands illégaux. Les grands illégaux, ça signifie ça? Un illégal, je vous l'ai déjà dit, c'est un agent qui ne dispose pas d'une couverture légale. Ouais, c'est-à-dire d'un statut diplomatique, par exemple. C'est cela. Et dans les années 20 et 30, les services soviétiques ont disposé d'une poignée d'hommes très brillants, des intellectuels issus d'Europe centrale la plupart du temps, qui ont été des agents recruteurs remarquables. Malheureusement, Beaucoup d'entre eux ont été les victimes de la paranoïa de Staline. Ils ont été purement et simplement éliminés. Oui, on les a rappelés à Moscou, jugés secrètement et en toute hâte exécutés. Parce qu'ils menaçaient Staline ? Non, pas vraiment, mais ils étaient des témoins d'une époque révolue, celle des premières années du bolchevisme. Et croyaient encore à la révolution mondiale, tandis que Staline, lui, ne poursuivait qu'un objectif, consolider son pouvoir et renforcer le glacis soviétique. Oui, la révolution dans un seul pays. Oui, mais enfin, revenons à ces grands illégaux. L'un des plus remarquables s'appelait Arnold Deutsch. Deutsch, qui était-ce ? C'était un juif autrichien, docteur en philosophie. Deutsch a adhéré très tôt au Parti communiste, mais c'était aussi un proche du célèbre psychanalyste Wilhelm Reich. Ouais, le théoricien de la révolution sexuelle. Lui-même. Mmh. Et Deutsch participera aux travaux et activités de Reich. Mmh. Et à l'époque, c'est déjà un agent Deutsch a appartenu très tôt aux instances secrètes du Parti. Ouais, c'était le NKVD à l'époque. Oui, l'ancêtre du KGB. En tant qu'agent soviétique, il séjourne dans plusieurs pays européens, dont la France. Mais c'est surtout en Angleterre qu'il va donner la mesure de son talent. Sous son nom ? Tout à fait. N'oubliez pas que c'est d'abord un universitaire. Et c'est en tant qu'universitaire qu'il s'installe à Londres. Et dans quel but Deutsch n'a pas manqué d'observer que les idées communistes devenaient de plus en plus populaires dans les milieux étudiants. Mmh. En Angleterre aussi ? Oui, dans les plus prestigieuses universités britanniques. Oxford, Cambridge. Des étudiants affirmaient leur sympathie pour le marxisme et l'URSS. Et certains n'hésitaient pas à prendre leur carte du parti. Alors vous voulez dire qu'il était assez tentant d'essayer de les recruter ? Bien sûr, parce que ces grandes écoles étaient des pépinières de futurs serviteurs de la couronne, hauts fonctionnaires, diplomates, hommes politiques. Mmh. En somme, les soviétiques, hein, par l'intermédiaire de ce Deutsch, font un pari sur l'avenir. Exactement. Et ils espèrent bien que ces brillants étudiants qu'ils vont recruter occuperont un jour de très hautes fonctions dans l'appareil d'État. Une sorte d'investissement à long terme. On peut voir les choses comme ça, oui. D'accord, mais si ces étudiants affichaient des opinions progressistes ou même marxistes, est-ce que ce n'était pas un handicap pour leur future carrière ? Vous avez raison. Aussi, la tâche de Deutsch va être double. Dans un premier temps, il doit sympathiser avec ses étudiants, les convaincre de travailler pour la patrie du socialisme, mais dans un deuxième temps, il doit leur faire comprendre qu'il leur faut désormais feindre d'être anticommuniste. Anticommuniste, pas facile pour ces gens. Non, c'est vrai. Hein. Mais Deutsch n'est pas un homme ordinaire. Il est chaleureux, convaincant. En outre, c'est non seulement un universitaire brillant, mais une sorte de commis voyageur de la Révolution. Or, ces étudiants que Deutsch va recruter sont des idéalistes. Ils croient vraiment que l'avenir du monde passe par la révolution. Ouais, c'est du romantisme révolutionnaire. Oui, en outre, il ne faut pas oublier la lutte contre le fascisme et le nazisme. Mais il y a aussi autre chose. Quoi ? Wilhelm Reich. La révolution sexuelle. Oui. Beaucoup de ces jeunes gens ont une sexualité déviante, comme on disait à l'époque. Ils sont homosexuels. Oui, c'est ça. Ils ne pouvaient qu'être séduits par un homme, un ami de Reich, qui dénonçait les mœurs étouffantes de la société britannique. Ouais, est-ce qu'ils étaient tous homosexuels ? Bien sûr que non. Prenons les cinq magnifiques. Deux d'entre eux, Burgess et Blunt, étaient exclusivement homosexuels, ne s'en cachaient pas. Un troisième, MacLean, était bisexuel. Ah, et les autres ? Cairncross et Philby étaient résolument hétérosexuels. Et pour le dernier, on peut même dire que c'était un homme à femme. Enfin, pardon pour cette expression désuète. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est vrai qu'on lui connaîtra plusieurs épouses et de nombreuses liaisons. En tout cas, tout c'était contre le puritanisme britannique. Ouais. Mais même si ces étudiants recrutés affichaient désormais des opinions conservatrices ou même réactionnaires, ne risquaient-ils pas d'être accusés plus tard d'avoir été un jour communiste ? Certainement. Mais il leur serait facile de parler de péché de jeunesse. À 20 ans, un jeune brillant britannique appartenant à la meilleure société ou à l'aristocratie, surtout quand il étudie à Oxford ou Cambridge, est nécessairement un peu excentrique, non ? Oui, peut-être. Mais alors, quel est le premier qui est recruté ? Vraisemblablement Philby. Attendez, est-ce que d'emblée Deutsch lui dit qu'il s'agit de travailler pour les services secrets soviétiques? Non, non, Deutsch est beaucoup plus prudent que cela. Beaucoup plus prudent et beaucoup plus avisé. Alors, comment procède-t-il, alors? Il proposait d'abord à ses candidats d'infiltrer la société bourgeoise. Et pourquoi faire? Lutter contre le fascisme. Ah oui, oui. Dans les milieux conservateurs britanniques, on voyait plutôt d'un bon œil l'arrivée au pouvoir d'Hitler. parce que le nazisme apparaissait comme une sorte de rempart naturel contre le bolchevisme. Des gens comme le duc de Windsor, un roi qui abdiquait par amour, ont entretenu des liaisons dangereuses avec les nazis. C'est vrai qu'on l'oublie un peu trop facilement. Merci pour ce rappel. Et ensuite, Deutsch suggérait à la nouvelle recrue de devenir un espion ? Oui, et les cinq de Cambridge n'ont hésité à aucun instant. Leur adhésion était idéologique, vous comprenez ? Ouais, quand même, devenir espion... En travaillant pour la révolution mondiale, ils n'avaient pas l'impression de trahir leur patrie, bien au contraire. Mais pour en revenir à Philby, il faut dire qu'une partie de la besogne avait déjà été accomplie. C'est-à-dire ? Puis en 1933, Philby se rend à Vienne. En fréquentant les milieux clandestins d'extrême-gauche, il rencontre une jeune militante communiste très convaincue, Lizzy, et il va bientôt l'épouser. Or, la meilleure amie de Lizzy vient elle-même d'être recrutée par Deutsch. France Inter, Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Philby a raconté lui-même sa rencontre avec Deutsch. J'ai trouvé ce récit dans le livre de Christopher Andrew, Le KGB contre l'Ouest, un ouvrage paru en l'an 2000 chez Fayard. C'était un homme merveilleux, absolument merveilleux, je l'ai senti tout de suite. Et je n'ai jamais changé d'avis. La première chose qu'on remarquait chez lui, c'était ses yeux. Il vous regardait comme s'il n'y avait rien de plus important au monde que d'être là avec vous et de vous parler. Et son sens de l'humour était merveilleux. Et l'historien britannique Christopher Andrew d'ajouter, il est difficile d'imaginer dans toute l'histoire du KGB un officier traitant aussi parfaitement adapté aux cinq de Cambridge que Deutsch. Ses titres universitaires étaient plus éblouissants que les leurs, même si quatre d'entre eux avaient obtenu leur diplôme avec mention très bien. Et grâce, bien sûr, à une plus grande expérience de la vie, la complexité humaine ne lui échappait pas. Il alliait charisme personnel et perspicacité affûtée avec une foi en l'avenir libérateur de l'exploitation et de l'aliénation du système capitaliste. Pareille conviction, qui prenait aussi bien en compte la perspective politique que la dimension sexuelle, ne pouvaient que séduire les cinq. Ils avaient en commun d'être en rébellion à la fois contre le système dépassé de classe et contre les strictes mœurs sexuelles dans cette Grande-Bretagne de l'entre-deux-guerres. Si je vous ai bien compris, c'est donc en partie à cause ou grâce à sa femme que Philby va devenir un agent soviétique. C'est la vérité. J'ajoute que ce séjour en Autriche va également jouer un grand rôle dans la formation politique de Philby, car il va assister là-bas au putsch du chancelier Dollfuss au début de 1934. Un putsch qui est suivi d'une répression féroce dans les milieux ouvriers. Il y a des centaines de morts. Hein. Peut-être même plus. Enfin, tout ça ne lui portera pas chance puisque Dollfuss lui-même sera assassiné quelques mois plus tard par des nazis. Mais enfin, je m'éloigne. En tout cas, lorsque Kim Philby revient à Londres, accompagné de sa jeune épouse, c'est tout naturellement qu'il rencontre Deutsch et qu'il va se trouver enrôlé. Il a alors terminé ses études, la Philby ? Oui, brillamment. Des études d'économie. Est-ce que Deutsch lui confie tout de suite une mission ? Non, c'est trop tôt. Une taupe doit d'abord creuser des galeries avant d'être efficace. Et puis, je vous l'ai expliqué, Philby est préalablement obligé de donner l'impression qu'il a rompu avec le communisme. Et il va faire une volte-face étonnante. Une volte-face ? Oui. L'ex-communiste Kim Philby se découvre soudain des sympathies pour le nazisme. C'est effectivement un virage à 180 degrés, mais est-ce que c'est crédible ? Ça l'est, parce que Kim est le fils d'un personnage extraordinaire. Harry St. John Philby. Je vous explique en deux mots. Philby père est un aventurier de haut vol. D'abord, fidèle serviteur de la couronne, il opère plusieurs missions secrètes en Inde puis au Proche-Orient, je crois. Mais ce rival de Laurence d'Arabie tourne bientôt kazakh. Devenu conseiller du roi Imtseoud, Saint John Philby trahit les intérêts de son propre pays. De quelle façon ? Quand il se révèle que l'Arabie dispose de fantastiques richesses pétrolières, Philby pousse le souverain à conclure des accords avec les grandes compagnies américaines. Au détriment des compagnies britanniques. Oui. En outre, Saint John Philby entretient d'excellentes relations avec certains dignitaires nazis. Ah oui, donc il ne paraît pas étonnant que son fils, à son tour, choisisse ce camp, c'est ça ? Voilà, oui. Et grâce à son père, Kim commence par fréquenter les cercles de sympathisants nazis à Londres. Il obtient même de rencontrer plusieurs proches de Hitler. Ribbentrop d'abord, qui est alors ambassadeur d'Allemagne à Londres, puis Goebbels, à qui il rend visite à Berlin, et enfin Haushofer, un conseiller de Hitler, l'homme qui a théorisé l'expansionnisme géographique allemand. Ouais. Ces contacts doivent intéresser son mentor, Deutsch. Vous avez raison. Philby commence son travail d'espion en établissant une longue liste de sympathisants nazis qui noyautent l'administration britannique. Enfin, ça, ce n'est qu'un début. À la même époque, toujours à l'instigation de Deutsch, Philby joue les agents recruteurs. Recruteurs de nouveaux agents ? Oui, et naturellement, Kim Philby puise dans le vivier de ses amis de Cambridge. Et ses amis qui ont manifesté des sympathies pour le communisme. Oui, communistes ou sympathisants communistes. Le premier à tomber dans les filets de Philby et Deutsch, c'est Donald MacLean. Qui est ça, MacLean, étudiant aussi doué, peut-être même plus que Philby, est le fils d'un ancien ministre. Ouais, une recrue très intéressante, donc. Évidemment, son bagage intellectuel, ses origines sociales, sa distinction naturelle, enfin bref, tout le pousse à occuper un jour de haute fonction. Et Deutsch va très habilement orienter sa future carrière. De quelle façon, là, il va faire Il lui est conseillé de passer le concours du Foreign Office. Le ministère des Affaires étrangères. Oui. Ouais. Mais encore une fois, ses idées communistes, enfin, celles qu'il a manifestées plus tôt, ne sont pas un obstacle? Si, bien sûr. MacLean a adhéré clandestinement au parti, mais c'est un secret de polichinelle. Alors, lorsqu'il passe l'oral du concours, on l'interroge. Et MacLean, très habilement, reconnaît effectivement qu'il a eu des sympathies pour le marxisme, mais, dit-il, il essaie de s'en débarrasser. Et on le croit. Bon, en tout cas, sa franchise plaît, et MacLean est reçu. Les examinateurs, à l'époque, étaient aussi naïfs que ça? Ça, j'en sais rien, mais enfin, il faut tenir compte de la connivence qui existait entre tous ces gens. MacLean appartenait au même monde que ces examinateurs. C'était un membre de la meilleure société, il ferait donc un parfait diplomate. Oui. Autre recrue? Burgess, Guy Burgess, le plus flamboyant des 5 espions de Cambridge. Un type extravagant qui était une sorte de vedette à Trinity College, l'un des collèges de Cambridge. C'est en effet un brillant causeur qui ne dissimule ni son homosexualité ni ses opinions communistes. Ajoutons un solide penchant pour le whisky et un exhibitionnisme certain. Sans compter, bien sûr, car nous sommes en Grande-Bretagne, un sens de l'humour dévastateur. C'est donc pas un modèle de discrétion. Non, bien au contraire. Et puis il est loin d'avoir le profil d'un espion. Mais justement, Deutsch doit se dire que ce personnage aussi voyant sera insoupçonnable. Et ce Burgess, là, lui aussi, est issu d'une excellente famille. J'allais le dire, naturellement. C'est le descendant fortuné d'une longue lignée de maréchaux et d'amiraux. Mm-hmm. Mais lui, Burgess, là, quel genre de service peut-il rendre au Soviétique? Dès 1935, il devient l'assistant d'un parlementaire conservateur, un homosexuel. Avec lui, il part pour une longue tournée en Allemagne où, assez facilement, il débusque quelques homosexuels honteux qui se dissimulent au sein du parti nazi. Puis, toujours avec son ami parlementaire, il se rend en France où il fait la connaissance très intime du chef de cabinet d'Edouard Daladier, ministre de la Défense et futur président du Conseil. Oui. Et à chaque fois, il recueille des informations et rend compte à Deutsch, son officier traitant. C'est évident. Mais il va aussi rendre un éminent service à Deutsch en recrutant lui-même un autre de ses amants de Cambridge, un homme qui sera plus tard l'une des pièces essentielles du réseau. Ah, je vois, c'est Blunt, hein, c'est ça? Oui, Anthony, ouais. Blunt. Parlez-moi de celui-là. Là. Blunt, qui est lui aussi un homme remarquable, hein, d'une culture prodigieuse, et d'abord apparenté à l'épouse du roi George VI. Curieusement, cette esthète, qui deviendra après-guerre le responsable des collections royales, est aussi un crack en mathématiques. Et cela orientera sa carrière pendant la guerre. Mais les communistes aussi? Non, enfin, mais peu à peu, sans doute, sous l'influence de son ami Burgess, il va éprouver de la sympathie pour l'URSS. Et sans vraiment adhérer à l'idéologie marxiste, il acceptera quand même de devenir un espion soviétique. Mmh. Alors reste le cinquième? Oui, le fameux cinquième homme, celui dont l'identité demeurera si longtemps mystérieuse. Mmh, aujourd'hui, c'est John Cairncross. Cairncross, c'est un peu le vilain petit canard de cette bande d'aristocrates si british. Pourquoi, hein? Parce que, contrairement aux autres, ce jeune Écossais était d'origine modeste. Il a eu le plus grand mal à obtenir une bourse pour entrer à Cambridge. À cause de ses origines sociales, j'imagine. Bien évidemment. Ouais. Il a dû d'abord bénéficier d'une autre bourse pour passer une licence de lettres à la Sorbonne avant d'être admis à Cambridge. Et il n'a vraiment jamais été accepté par les autres. C'était pourtant un étudiant extrêmement doué. Mais que voulez-vous, il n'avait ni la distinction, ni les bonnes manières des étudiants fortunés ou bien nés de Cambridge. Et politiquement, lui ? C'était un communiste convaincu. Il faut noter qu'il avait vécu les événements de 1934 dans notre pays. Et comme Philby à Vienne, il a été influencé par ce qu'il a vu. Et qui l'a recruté, lui ? Là, ce point n'a jamais été réellement éclairci. Un homme a sans doute eu une part de responsabilité dans ce recrutement. Un riche étudiant communiste de Cambridge. Oui, ça paraît bizarre. Enfin, un certain Klugman, un type qui appartiendra plus tard au service britannique et qui jouera un grand rôle en incitant plus tard Winston Churchill à soutenir Tito. Ah oui, on en a parlé contre le général Mihailovitch. Tout à fait, oui. Mais il faut aussi remarquer que Blount a été le professeur de littérature française de Karen Cross. Il n'est pas exclu non plus que ce soit Burgess qui l'ait entraîné dans cette aventure, mais enfin, peu importe. L'essentiel est que John Karen Cross soit devenu un espion soviétique. Un homme qui, très vite, est admis au Foreign Office, comme MacLean, mais il ne va pas y rester longtemps. Pourquoi ? Toujours pour la même raison. Karen Cross a beau être très brillant, beaucoup plus même que les autres diplomates, il n'est pas vraiment admis dans ce milieu ultra snob. Alors, aussitôt, il démissionne pour rejoindre l'administration du Trésor. Ça, ça n'a pas un grand intérêt pour les soviétiques. C'est vrai. Enfin, le déclenchement de la guerre va tout changer. Le jeune Karen Cross va se trouver soudain propulsé à un poste de la plus haute importance. France Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nous avons déjà parlé de Youri Ivanovitch Modin, qui fut, après-guerre, l'officier traitant des 5 de Cambridge. En 1994, ce colonel du KGB a publié un livre sur ceux qu'il a appelés « Mes camarades de Cambridge », livre publié chez Robert Laffont. Voici ce que Modin écrit à propos de Karen Cross et de son travail au Foreign Office. Pendant un an, il travailla dans différents services, Amérique, SDN et d'autres, sans réussir à s'intégrer au personnel qui ne lui avait pas réservé un bon accueil. Ses collègues n'appréciaient pas ce personnage qu'ils jugeaient mal élevé, mal habillé, arrogant, ne connaissant ni les usages de la diplomatie ni ceux du monde. Ils émettaient à son encontre le pire des reproches, celui de ne pas être un aristocrate. Cette attitude méprisante avait renforcé la sourde et profonde aversion que Karen Cross éprouvait pour l'establishment de son pays. Je crois franchement que la cause principale de sa collaboration avec le NKVD, ce ne sont ni ses convictions communistes, ni son antifascisme, c'est sa haine envers ses supérieurs, ses aristocrates qui se moquaient ouvertement de lui. J'ai toujours trouvé étrange qu'on l'ait pris au Foreign Office. On n'y engage généralement pas des hommes comme Karen Cross. Son intelligence était vive, mais ce n'est pas le seul critère de recrutement, je le sais. En Angleterre, plus que dans d'autres pays, l'origine sociale, les bonnes manières, les relations jouent aussi un très grand rôle. Karen Cross n'était qu'un fils de modeste employé écossais, vulgaire et mufle, parce qu'il ne permettait à personne de l'offenser. Quel est ce poste de la plus grande importance, dites-vous, que va occuper Karen Cross ? Eh bien, il devient secrétaire particulier de Lord Anke, un ancien ministre qui avait été autrefois officier de renseignement et qui, même s'il n'avait pas de portefeuille dans le gouvernement de Churchill, gardait un œil sur les affaires étrangères, la défense et les services. Les services secrets. Mais un rôle officieux. Officieux, mais bien réel. Sans compter que Anke est aussi président d'un certain nombre d'organismes d'État. Beaucoup de documents ultra-secrets atterrissaient donc sur son bureau. Oui, naturellement, son secrétaire particulier, Karen Cross, y avait accès. Oui, c'est ainsi que Karen Cross, dès 1941, a pu informer Moscou que les Anglais et les Américains travaillaient en commun à la mise au point d'une bombe atomique. Mais ce n'est qu'un point de détail. L'espion a transmis une quantité impressionnante d'informations à son officier traitant. C'était toujours Deutsch ? Non, Deutsch avait été rappelé à Moscou. Et fusillé lui aussi ? Non, Deutsch a échappé à la grande purge de la fin des années 30 et il est vraisemblablement mort au cours de la guerre. Alors, vraisemblablement ? Oui, la biographie de ces grands illégaux garde toujours une part de mystère. Mais enfin, revenons encore un instant sur la carrière d'espion de Karen Cross. Sur ordre donc de son nouvel officier traitant, l'Écossais a intégré Bletchley Park. C'est là, souvenez-vous, que les services anglais s'acharnaient à percer le secret du système de codage utilisé par les Allemands. Enigma, enfin, Enigma, oui, oui, oui, la fabuleuse machine à coder, en principe inviolable, mais dont un mathématicien de génie, Turing, a réussi à casser le système de fonctionnement. Vous en avez déjà parlé, il me semble, l'an passé. Oui, tout à fait. Oui. Inutile de vous dire que c'était l'un des secrets les mieux gardés du royaume. Et rares étaient ceux qui savaient que les services britanniques lisaient presque à livre ouvert dans toutes les communications radio allemandes. Alors Ken Cross a pu entrer dans ce sein des saints. Oui, aussi étonnant que cela paraisse. Avec la protection de ce Lord. Lord Banquet, oui, certainement. Et Ken Cross a eu ainsi accès à des informations d'une importance considérable. Je vous donnerai qu'un exemple. En juillet 1943, l'armée allemande tente sa dernière grande offensive sur le front de l'Est, dans la région de Kursk exactement. Mais grâce à Ken Cross, l'état-major russe a eu connaissance des plans allemands et a pu réagir en conséquence. Des milliers de soldats soviétiques ont été ainsi épargnés et la terrible bataille de Kursk s'est terminée par une victoire de l'armée rouge. Ouais. On peut se demander pourquoi les Britanniques n'avaient pas pris eux-mêmes l'initiative d'alerter leur allié soviétique. Bah, il leur fallait protéger le secret. Le secret quoi de... bah, personne ne devait savoir qu'ils étaient capables de décoder les communications des nazis. Or, ils soupçonnaient la présence d'espions allemands à Moscou. Alors c'est vrai, ils ont averti Moscou qu'une grande offensive était en préparation, mais c'est tout. Tandis que Ken Cross, lui, a donné tous les détails à Moscou, ce qui lui a valu d'ailleurs de recevoir une des plus prestigieuses décorations, l'ordre du drapeau rouge. Un espion distingué. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre, parce que bien évidemment, Ken Cross ne pouvait pas arborer cette décoration. Alors ça s'est passé de la façon suivante. La médaille a été envoyée à Londres, à la résidence soviétique. L'officier traitant de Ken Cross la lui a montrée au cours de l'une de leurs rencontres. Puis la précieuse médaille a été prestement rangée dans le coffre de l'ambassade. C'est étonnant, ça. Mais est-ce que les autres espions de Cambridge ont joué un rôle aussi éminent? Pendant la guerre? Ben, par exemple, oui. Philby, Maclean, Blunt et Burgess sont chacun, dans leur domaine, transmis des informations essentielles à Moscou. Des milliers d'informations. Certaines immédiatement utiles sur les champs de bataille ou dans les discussions diplomatiques, et d'autres qui ont pu être exploitées après la fin de la guerre. Je peux vous dire en particulier que le réseau des taupes de Cambridge a permis aux soviétiques d'identifier la plupart des agents britanniques opérant à l'étranger. Oui. Et sur le plan diplomatique Oui, bah, grâce à ces taupes, Staline, avant chaque conférence avec ses alliés anglo-saxons, connaissait exactement la position de ces derniers. Il pouvait donc préparer ses rencontres dans les meilleures conditions possibles. Oui, les dés étaient pipés, même à Yalta. Parfaitement. Et ça signifie que l'investissement, enfin appelons-le comme ça, de Deutsch dans ces jeunes et brillants étudiants de Cambridge a porté ses fruits au-delà de toute espérance. Nous avons, enfin, vous avez longuement parlé de Ken Cross, là, mais les quatre autres, quelle fonction occupaient-ils? Maclean, je vous l'ai dit, était entré au Foreign Office et après avoir été en poste à Paris, il a été nommé à Londres, au ministère, en tant que deuxième secrétaire. Un rang encore modeste, non? C'est juste, mais ça lui permettait quand même d'avoir accès à de nombreux documents émanant du cabinet de guerre ou des ambassades britanniques. Et Staline était très friand d'informations sur les rapports entre les alliés. Pour pouvoir exploiter le cachet de leurs divergences. Bien sûr, et les rapports conflictuels entre De Gaulle et les anglo-saxons l'intéressaient particulièrement. Et les autres, les trois autres, là? Blunt, pendant la guerre, avait été affecté au MI5, c'est-à-dire le service de contre-espionnage. Un poste essentiel qui lui permettait en particulier d'assurer la sécurité des autres membres du réseau. En les prévenant à temps si des menaces pesaient sur eux. Oui. Et quant à Burgess et Philby, ils ont tous les deux été affectés au MI6, le service de renseignement. Bon, inutile de vous dire que tout en effectuant leur travail avec brio, ils vont alimenter leurs amis soviétiques de milliers d'informations essentielles. Ouais. Et ils ne sont soupçonnés à aucun moment? À aucun moment. Philby est même considéré comme un agent exceptionnel, un redoutable chasseur d'espions. D'espions nazis, naturellement. À cette époque, hein. Oui. Et dès cette époque, il a paru évident à tous ceux qu'il connaissait bien que Kim Philby était promis un brillant avenir au sein des services britanniques. Et ça a été le cas? Oui, puisque Philby deviendra virtuellement le numéro 2 du MI6. Et à la fin de la guerre, on lui confiera même la direction d'une nouvelle section, chargé de la lutte contre le communisme et les services secrets soviétiques. Un comble pour un espion à la solde de l'URSS. Et aussi une réussite exceptionnelle pour Moscou. D'une façon générale, les soviétiques ont réussi avec les 5 de Cambridge une opération sans précédent, qui ne sera d'ailleurs jamais renouvelée sur une telle échelle par aucun service secret. Mais c'est l'un des aspects les plus curieux de cette affaire. Ces cinq taupes ont failli être victimes de leur propre succès. Que voulez-vous dire là ? C'est assez incroyable. À Moscou, on était tellement abasourdi et même débordé par la masse d'informations fournies par les espions de Cambridge qu'on a sérieusement cru que ceux-ci étaient peut-être en train d'intoxiquer les services soviétiques. On croyait que c'était des agents doubles ? Oui, c'est cela, oui. Et le Kremlin s'est réellement méfié d'eux ? Oui. Enfin, ça ne vous étonnera pas, étant donné la personnalité de Staline. Il a vu dans tout ça un coup tordu des services britanniques, un complot contre l'URSS. Ouais, mais enfin, ces renseignements fournis par les cinq, là, étaient pourtant d'une valeur primordiale. Et puis, il est toujours possible de les recouper. Hein. Oui, c'est vrai. Mais les soviétiques, avant de se rendre compte de leur erreur, ont quand même frôlé la catastrophe. Imaginez ce qui serait passé si, par exemple, Staline n'avait pas tenu compte des informations fournies par Ken Cross au sujet de la grande offensive allemande de Koursk. Et c'est ce qui a failli se passer. Est-ce que les cinq de Cambridge là, ont compris, à un moment ou à un autre, que les soviétiques se méfiaient d'eux ? Certainement. Ils ont dû en souffrir. Mais ils n'en ont pas voulu à leur maître soviétique. C'est si vrai que dès la fin de la guerre, ils vont reprendre leurs coupables activités d'arrache-pied. Je vous propose la semaine suivante de diffuser la suite de cette longue conversation sur les cinq de Cambridge. Monsieur X répond à cette question jamais élucidée. Comment ces taupes ont-elles pu échapper à la justice alors même qu'elles ont été découvertes ? Je reviens un instant au livre de Christopher Andrew, Le KGB contre l'Ouest. L'auteur, qui est un spécialiste reconnu du renseignement, confirme que Moscou en effet soupçonnait les cinq d'être des agents doubles. Afin de tenter de découvrir la nature exacte du prétendu complot britannique, le Centre envoya à Londres pour la première fois son histoire une équipe de surveillance spéciale de 8 hommes, à charge pour eux de suivre la piste des cinq ainsi que des autres prétendus faux agents dans l'espoir de les surprendre avec leurs officiers traitants britanniques, lesquels, faut-il le préciser de nouveau, n'existaient que dans l'imagination des analystes de Moscou. La même équipe devait aussi enquêter sur les visiteurs qui se rendaient à l'ambassade d'Union soviétique, certains d'entre eux étant soupçonnés d'être des agents provocateurs du MI5. Ce vigilant déploiement fut un échec aussi cuisant que risible. Aucun des 8 anges gardiens ne parlait l'anglais. À leurs vêtements, n'importe qui pouvait tout de suite deviner qu'ils étaient russes. Horriblement mal à l'aise, ils durent intriguer la plupart de ceux qu'ils étaient chargés de suivre discrètement. L'absurdité de cette initiative en dit long sur les failles du système de renseignement soviétique. La faculté du Centre à recueillir des informations sur l'Ouest excédait toujours de beaucoup ses capacités à les interpréter. La vision que Moscou avait de ses alliés britanniques était invariablement assombrie par la sempiternelle théorie du complot, à des degrés divers selon les moments. Samedi prochain, donc, pour la suite de ce récit. Et je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par internet franceinter.com.